الناس لا يشكر الله، هذا أخرجه الشيخ ناصر رحمة الله على السلسلة. فأو ديبي نو رمسيون سو كي سون على كوز دو لا كوز دو سيت ريونيون بيسكو نوتر بروفيت عليه الصلاة والسلام نوزا اونسيني دون الحديث كي رابورتي بار الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه دون لا شين دي زوتونتيك que celui qui ne remercie pas les gens ne remerciera pas Allah Azza wa Jal. كذلك يا إخوتي في الله يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإيجاد مكان لكي نجتمع فيه ونتصل فيه بالمشايخ كما حصل، فهذا مما يثري جهد الصدر أن يجتمع الإخوان الإخوان المنهج السلفي أن يجتمعوا في مكان ويتصلوا بأهل العلم، فهذا والله هذا الذي سيأتي بالثمار، هذا الذي سيأتي بالخير للأمة، وهذا الذي سينقذ الأمة مما فيه من فتن، وهذا الذي سيخرج الأمة من الفتن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الصحيح أن إرادة الخير بالإنسان هو أن يتفقه في الدين، ولا شك أن الفقه لا يأتي إلا بالاتصال بأهل العلم. والآن والحمد لله وسائل الاتصالات ولله الحمد ميسرة، وكل الأمور ميسرة، وجب علينا أن نستعمل هذه الوسائل في تفقه في ديننا عز وجل. وكي أوكان دو تسي نو دوفون رميرسي الله عز وجل qui nous a permis d'avoir un lieu dans lequel on se rencontre, d'avoir un lieu où les frères qui sont sur la voie de leur puissent se retrouver et prendre déjà les nouvelles les uns des autres, etc. Et en même temps être en liaison avec les savants. Il y a des choses qui donnent de la joie au cœur et qui réjouissent, c'est le fait, le cours qu'on a entendu tout à l'heure de Cheikh Chemri Hafidhahullah Ta'ala. Cette liaison ne doit pas être coupée avec nos savants. Nous devons avoir tout le temps cette liaison avec le savant, et Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'il y ait ces moyens de communication, il faut les utiliser. Plus d'un des hommes de science a incité au fait d'utiliser les moyens de communication pour être en relation avec les hommes de science. C'était Imam Rahmatullah, elle est l'un de ses derniers conseils. Fait partie de ses derniers conseils, parmi les derniers conseils qu'il a donné, c'est le fait d'utiliser les moyens internet, etc., et tous les moyens de communication pour être en liaison avec les hommes de science. Il n'y a rien qui pourra nous sauver. Il n'y a rien qui va nous sortir de l'embarras dans les ambiguïtés dans lesquelles tombent certains. Et seulement le fait d'être en relation avec les hommes de science. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique que vous connaissez que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Comment on peut avoir cette compréhension de la religion? On ne peut l'avoir qu'en étant en liaison avec les hommes de science. On peut l'avoir qu'en étant en relation avec les hommes de science, en demandant des explications à tout le problème que nous rencontrons, le demander aux hommes de science qui sont sur la voie de nos plusieurs doigts de l'Allah. Fa wajib alayna ikhwat al-islam wad'u al-ashya fi mawadi'iha as-sahiha wa la nusmi al-ashya bighayri ismiha. لأننا في زمن سميت فيه الأشياء بغير اسمها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليكونن أناس من أمتي يستحل الحراء والحرير والخمر والمعازف، وفي رواية أخرى أنهم يسمون الخمر بغير اسمها. Il est de notre devoir aussi, frères en Allah عز وجل, de donner les noms adéquats aux choses, le nom que méritent les choses, mettre un nom sur la chose, mettre le vrai nom sur la chose, et non pas changer les noms. On est à une époque où on donne des noms à des choses qu'ils ne sont pas. On met des étiquettes sur des choses et ces noms-là sont faux. Ils ne vont pas avec la chose qu'on désigne. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans le hadith authentique, il va y avoir dans cette communauté des gens qui vont rendre licite le fait pour la prostitution. Zina. Et le harir, c'est-à-dire la soie pour les hommes. Et l'alcool ainsi que les instruments de musique. Dans une autre version, ils vont appeler l'alcool avec un autre nom. Ils vont lui donner un autre nom qui n'est pas le sien. والآن وجد بين الشباب وبين المسلمين من يسمى التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية بغير اسمها. يذبحون المسلمين الأبرياء والمعاهدين والمستأمنين ومعصومي الدم ويسمون هذا هذه الأعمال الإجرامية جهادا، يذبحون المسلمين وغير المسلمين، يذبحونهم كما تذبح النعاج، أو ينسفونهم ويقتلون أنفسهم، ويسمون هذا جهاد، وهو كما قال غير واحد من أهل العلم فساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله، كما أشار إلى ذلك الشيخ صالح السحيمي في شرحه لرسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى، بأي دين وعقل يكون التفجير جهادا؟ فهؤلاء المساكين، هؤلاء الأغمار، أفتاهم دعاة الضلال الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، أفتوهم بأن ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يفجروا أنفسهم. فانطلت عليهم هؤلاء عندهم حماس للدين، ولكن هذا الحماس غير موجه، ولكن حماسهم غير موجه، التوجيه السني السلفي الذي يتفق مع الكتاب والسنة ونهج سلف هذه الأمة. Maintenant, parmi nous, dans la communauté de l'islam, que ce soit dans le milieu des jeunes, ici et ailleurs, que ce soit en Europe ou ailleurs, et certaines, pour le fait de mettre des bombes, le fait d'assassiner, le fait de les opérations suicides, etc., ils lui donnent un autre nom. Ils l'appellent jihad, le combat sur le sentier de Allah Azza wa Jal. Ils tuent des innocents parmi les musulmans, parmi les non-musulmans. Ils tuent des gens qui sont rentrés dans des pays musulmans en sécurité, avec un pacte avec le gouverneur qui gouverne ce pays, ils les tuent. Et des fois, ils les égorgent comme on égorge des moutons, que ce soit les musulmans ou les non-musulmans. Et des fois, la personne, le jeune Hada, il est, par son ignorance, etc., il s'explose. Il explose les gens avec, il part en poussière, il fait partir les autres en poussière. Il croit que ça c'est un combat sur le sentier de l'Allah. Et en réalité, ça c'est un grand mal sur la terre. Comme a dit plus d'un parmi les hommes de science, Habibullah Ta'ala. Et comme le dit Cheikh Salah Suhaimi Habibullah Ta'ala, quand il a interprété le fascicule de Cheikh Abdel Mohsin Abbad, Mouhaddid de Médine, Habibullah Ta'ala, il y a un fascicule qui attire l'attention des jeunes. Avec quelle religion? Dans quelle religion? Et avec quelle raison? Le fait de s'exploser ou de mettre des bombes quelque part, c'est un jihad. C'est impossible. Et c'est une risala qui est très bonne à lire. Il fait partie des risalas qui doivent être traduits, qui doivent être propagés. Ces pauvres gens, ces pauvres jeunes, ils se font avoir par des prêcheurs de l'égarement. Ces prêcheurs qui rendent mécréants les musulmans parce qu'ils sont tombés dans des péchés capitaux ou autres, ou là ils rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam, et partant de là, puisqu'ils les rendent mécréants, ils disent que c'est bon, il faut les tuer. Et partant de là, ces jeunes se font avoir par les paroles de ces prêcheurs, puisqu'ils leur promettent le paradis. Ils leur diront, entre vous et le paradis, il n'y a que le fait que vous vous explosez. Et le jeune, il part mesquin, parce qu'il n'a pas de science, il n'a pas tout ça, vient du fait de quoi? C'est parce que, tout simplement, l'ignorance, la science, parce qu'il n'a pas appris. S'il avait appris, s'il a trouvé sur son chemin des éducateurs de la voie, sur la voie de ne plus dire Allah, il ne va pas s'exploser comme ça. Il ne va pas croire que cet acte d'assassinat et cet acte criminel, ça fait partie du combat sur le sentier de l'Allah. Et par plus d'un de nos savants, jure que par Allah que ceci, ce n'est pas un combat sur le sentier de l'âme, mais par Allah que c'est le mal sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le mal sur terre. Il n'y a aucun doute que ces jeunes qui se font avoir par ces prêcheurs, qui sont orientés dans ces mauvaises voies, il n'y a aucun jeune qu'ils aiment la religion. Ils ont un enthousiasme pour la religion. Mais cet enthousiasme et ces sentiments qu'ils ont pour la religion, ils ne sont pas orientés comme il se doit. Ils ne sont pas orientés par la voie du puiseur d'Allah. Ils ne sont pas orientés par la parole d'Allah Azza wa Jal et par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie de puiseur d'Allah. فعلينا إخوة الإسلام في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن أن نرجع إلى علماء الأمة في كل كبيرة وصغيرة. علينا بالرجوع إلى أهل العلم الذين يقضون بالحق، لا إلى الزعماء الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم علماء وهم أدعياء للعلم، يعرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يفهمون ويفسرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق أهوائهم، ويضربون نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc il fait, il est de notre devoir, frère en islam, à cette époque où les perturbations sont nombreuses, non, les perturbations sont comme des diluges de perturbations. Il faut que nous revenions vers nos savants. Il faut que notre liaison soit constante avec nos savants. Dans chaque petit acte, grand acte, chaque situation, grande ou petite, n'importe, pour sortir du nuage, pour que le nuage soit dissipé, pour que les ambiguïtés soient dissipées sur, sur la situation, il faut revenir vers ceux qui en sont dignes, vers les savants, hein, qui sont sur la voie de nos plusieurs droits. Il ne faut pas revenir vers les leaders. Les leaders qui prétendent être des savants, mais en réalité ce sont des leaders. Ils prétendent être des savants, mais ils sont loin de la science. Des fois ils parlent avec des choses qu'ils ne connaissent même pas. Voilà, ils disent des choses, la définition des choses, ils ne la connaissent même pas. Hein? Ils parlent avec des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et par Allah, beaucoup parmi eux ne comprennent pas le livre d'Allah. Azza wa Jalla, la sunna de son prophète, alayhi salatu wa sallam, comme il se doit, comme le contre nos plus aïeuls, ridwanullah alayhi. Des fois, ils prennent les textes et ils les plaquent les uns contre les autres. Ils claquent un texte contre un autre. Et ceci ne fait pas partie de la voie de nos plus aïeuls, ridwanullah alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. فهذه الأحداث الأليمة وهذه التفجيرات المدمرة التي حدثت هنا وهناك، حدثت في الدار البيضاء وفي لندن وفي مدريد وفي وما يحدث من عمليات انتحارية لا في العراق ولا في فلسطين ولا كل هذا، وما يحدث للشباب في بعض المناطق الأوروبية من تحريق وتدمير، كل هذا، هذه العمليات كلها من يروح ضحيتها؟ الأبرياء. كثير من الأموال بدرت، كثير من النفوس زهقت، وهذه من البغي ومن العدوان وضرب من الفساد في الأرض وأمر مخالف للدين وأمر مخالف لهذا الدين ومخالف لأحكام هذا الدين. ces actes qu'il y a eu à travers depuis maintenant, depuis le 11 septembre, et depuis ça n'a pas arrêté. Tout ce que comme mise de bombe, comme assassinat, comme etc. Ou là ce qui se passe, ce que certains appellent, appellent les opérations du martyr ou là je sais pas. En réalité, ce sont des opérations suicides, des kamikazes, opérations suicides, que ce soit en Palestine ou là en Irak, peu importe où ça arrive. Le fait de poser des bombes, etc. Regarde, comptabilise combien de victimes il y a eu avec ces actes. Combien de mal il y a eu. Combien d'argent a été lapidé comme ça. Combien de mal a subi la communauté de l'islam. Et combien de mal ont subi les musulmans qui vivent dans les pays qui ne sont pas musulmans. Mais les taux se resserrent autour des musulmans qui ne vivent pas dans les pays de l'islam. À cause de quoi? À cause. Et combien a été ternie l'image de l'islam? Enfin, ces actes-là, disent les hommes de science, ce n'est pas un combat sur le sentier de l'Allah. C'est de l'injustice. C'est un mal sur terre. Et c'est quelque chose, ce sont des actes qui sont en divergence avec la religion de l'Allah. Ils sont en divergence avec la législation de cette religion. Regarde, tout ce qu'a vécu. Qu'ont vécu les huttes françaises et autres, que ce soit, ça a contaminé un petit peu partout, où il y a eu des jeunes qui ont brûlé des magasins, qui ont brûlé des voitures, etc. Ça, c'est du mal sur terre. C'est un grand mal sur terre. Et par Allah, ces jeunes-là, pourquoi ils agissent ainsi? Voilà, justement parce que on ne les a pas éduqués sur une religion saine. S'ils étaient éduqués sur une religion saine, s'ils ont trouvé des éducateurs sur leur chemin pour leur montrer la voie de l'Azol, jamais il va oser brûler une voiture ou la brûler un magasin ou la faire quoi que ce soit. Et pourquoi des jeunes se font embobiner, se font embrigader, il est tranquille dans une famille, hein? Les exemples, vous en avez beaucoup, et tout d'un coup, quand les médias t'en parlent, tu trouves quelqu'un d'autre, hein? Un assoiffé de sang, etc. D'où? Justement. Parce qu'il n'a pas bien appris sa religion, et il était dans l'ignorance, et il est tombé dans le filet de ces prêcheurs de l'égarement. C'est pour ça, il est de notre devoir de comprendre notre religion. Et d'apprendre notre religion et de savoir chez qui nous l'apprenons. Hein? Parce qu'on peut, nous embellir des situations et on se retrouve dans une voie qui n'est pas celle qui est agréée par Allah Azza wa Jal. Pas l'islam dinun amara bil adl. وأمر بالإحسان وأمر بالرحمة ونهى عن المنكر والبغي كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وهذه تفجيرات وهذه الاغتيالات وهذا التحريق وهذا التدمير هذا عمل إجرامي وليس فيه عدل ولا إحسان ولا رحمة بل هو منكر من الفعل وبغي في العمل هذا كله منكر وهذا كله فساد وكله ظلم لعباد الله الإسلام أغضن la justice الإسلام أغضن la bienfaisance le fait d'être bon الإسلام أغضن la clémence الإسلام interdit le blâmable interdit l'injustice Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nahl, dans la traduction approximative du sens du verset, hein, Allah ordonne la justice, et il ordonne la perfection, le bien, la bienfaisance, et il ordonne le fait d'être bon avec ses proches. Et il nous interdit le blâmable et l'incertitude. Et il nous interdit l'injustice. Et il nous exhorte, peut-être que nous allons nous rappeler, et ses actes, le fait de poser des bombes, le fait d'assassiner, le fait de brûler les biens d'autrui, ceci c'est un acte criminel, ce sont des actes criminels, et ces lois, et ça ne peut pas être des actes de justice. On ne peut pas les attribuer à l'islam. Il n'y a aucune justice là-dedans, il n'y a aucune clémence là-dedans, il n'y a aucune bienfaisance là-dedans. C'est un acte blâmable, et c'est une injustice. وهنا لفت ينبه عليها العلم أن العدل هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات وليس العدل المساواة المطلقة كما ينطق به بعض الناس حين يقول دين الإسلام دين المساواة ويطلق فإن المساواة بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله Ici, il y a une chose à laquelle attire notre attention les hommes de science, c'est que la justice et l'équité, c'est le fait de mettre à pied d'égalité ce qui se ressemble et de faire la différence entre les choses qui sont différentes. Ça, c'est la justice. Et ne fait pas partie de la justice, fait de dire que l'islam, c'est la religion de justice, comme ça au sens large du terme. Comme certains le disent, où l'islam c'est la religion de l'égalité. Là, dans le sens large du terme, non. L'égalité, les choses qu'on doit mettre égaux, ce sont les choses qui se ressemblent. Les choses qui sont différentes les unes des autres, on ne peut pas les mettre à pied d'égalité. Car le fait de mettre à pied d'égalité les choses qui sont différentes, ceci est une injustice. Et ce n'est pas de l'équité. وفي الإسلام كذلك تحريم للعدوان ونهي عن الظلم كما قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وهذا العمل هذه التفجيرات وهذه الاغتيالات وهذه التدميرات قائمة على العدوان مبنية على الظلم والخيانة. والإسلام إلي أنتردي لنجستيس، إلي أنتردي لنجستيس. الله سبحانه وتعالى dans cette traduction approximative du sens du verset, ne soyez pas injustes car Allah سبحانه وتعالى n'aime pas les injustes. Et dans le hadith Qudsi, ô serviteur, je me suis interdit l'injustice, hein, et j'ai fait que l'injustice soit interdite entre vous. Ne commettez pas d'injustice les uns sur les autres. Et ces actes, les actes de mettre le fait de poser des bombes, le fait de brûler les biens détruits, etc., c'est une injustice. Ils sont basés sur l'injustice. وفي الإسلام تحريم للفساد في الأرض كما قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهذا العمل نوع من الفساد في الأرض بل هو من أشد ذلك وأنكاه دون الإسلام إلى أن تغذيه de faire le mal sur terre et de détruire sur terre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans cette traduction approximative du sens, il dit quand il se détourne, il court dans la tête sur terre pour faire le mal et pour détruire la culture et la descendance. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le mal. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le mal. Dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette traduction approximative du sens, quand on leur dit « Ne faites pas le mal sur terre », ils disent « Ne sont ceux qui font le bien ». Et ceux-là croient, quand ils s'explosent, ou là quand ils voient, et on voit quelqu'un s'exploser, etc., ils croient qu'ils font le bien. Et le fait, tout ce genre d'actes de destruction, de biens détruits, de poser des bombes, etc., de tuer les innocents, etc., c'est un mal sur terre. Il est encore pire. ومن قواعد الإسلام العظيمة دفع الضرر ومن شواهد ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهو في الصحيحة تحت رقم 150 وروي عن غير واحد من الصحابة مرفوعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه وهذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود فإن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وكما يدين المرء يدان فلا يحل لمسلم أن يضار مسلما لا في قول ولا فعل وأفعال هؤلاء قائمة على أعظم الضرر ou à voir l'idrar. Une partie des règles de l'islam, c'est de repousser le préjudice. Le mal, il faut le repousser. Et la preuve pour ceci, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui dit, hein, tout, le sens du hadith, tout préjudice est illégal. Tout préjudice est illégal. L'islam n'impose rien de préjudice. Il n'interdit rien d'utile. Et il faut repousser le préjudice. Le hadith, il est chez Ibn Majah, le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a été authentifié par Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, dans la chaîne des authentiques. Il y a l'autre hadith aussi de Surma, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit, celui qui fait mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera mal. Et celui qui la rend difficile pour lui, Allah, il lui rend la situation difficile. Hein? Car la récompense découle de l'acte qu'on ramène. La récompense vient de l'acte qu'on ramène. Et comme la personne fait, il lui sera fait. Donc il n'est pas, il ne s'y est pas, il appartient pas à un musulman de faire du mal, que ce soit avec la parole ou avec les actes. Et les actes de ceux-là, de ceux qui posent des bombes et ceux qui brûlent, etc., et qui détruisent, la base, c'est le mal. La base, c'est que faire du mal aux autres et faire du mal à eux-mêmes et à la communauté. Le préjudice, il l'amène à tout le monde, à eux-mêmes et à la communauté de l'islam et à l'islam, par leurs actes. ومن قواعد الإسلام العظيمة جلب المصالح ودرء المفاسد، وعمل هؤلاء لا مصلحة فيه ولا منفعة، ومفاسده لا حصر لها. في partie des règles de l'islam, des grandes règles géantes de l'islam, c'est le fait de ramener le bien et de repousser le mal et de fermer les portes du mal. Et les actes de cela, il n'y a aucun bien dedans. Il n'y a aucun bénéfice pour la communauté. Il n'y a rien à tenir pour la communauté. Il n'y a que du mal dans leurs actes. Et le mal qu'il y a dedans, on ne peut même pas les limiter. C'est illimité. وفي الإسلام تحريم لقتل النفس أي الانتحار. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهؤلاء قتلوا أنفسهم في هذه الجريمة النكراء. والحديث عند البخاري وعند مسلم. Et dans l'islam, l'islam interdit le suicide. Interdit le fait de se tuer. Le suicide, l'islam l'interdit. Et dans cette traduction approximative du verset, ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas car Allah subhanahu wa ta'ala est clément pour vous. Et celui qui ferait ça, par injustice, Allah il va l'envoyer au feu de l'enfer. Et ceci est facile pour Allah, Azza wa Jal. Abu Huraira de nous dire que le prophète alayhi salam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, celui qui monte sur une montagne qui se jette pour se suicider et qu'il meurt, il est dans le feu de l'enfer, il fait le même mouvement dans le feu de l'enfer. Il tombe, il est en haut, il tombe, etc. Éternel. Khalid al-Mukhallala. Et celui qui boit du poison et qu'il se tue avec ce poison dans le feu de l'enfer, il a toujours sa bouteille, il a son verre de poison, il le voit éternel dans le feu de l'enfer, il refait le même. Et celui qui se tue par un fer ou la par un couteau, la même chose, la même chose. Et les actes de cela, il se tue contre quelqu'un, mis une ceinture de bombe, il rentre dans un bus, ou là dans une ruelle, là où il est, ou là dans un consulat, peu importe, et il se tue. Donc, il s'est suicidé. Et donc, leurs actes rentrent dans les actes suicides, et non pas dans les actes du martyr, comme certains veulent le faire croire. Loin de là. وفي الإسلام تحريم لقتل الأنفس المسلمة المعصومة بغير حق. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في أوصاف المؤمنين عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كم من الأبرياء قتلوا في هذه العملية؟ كم من الأبرياء مسلمين وغير مسلمين؟ هذه جرائم. الإسلام interdit aussi de tuer les musulmans. Et de tuer aussi les personnes qui sont protégées. Que l'islam protège, la législation musulmane leur donne une certaine tutelle, une certaine protection, il est interdit de les tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, celui, dans cette traduction approximative, celui qui tue une âme, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, s'il la tue sans justice, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tue pas une âme, Allah subhanahu wa ta'ala interdit sans injustice. On n'a pas le droit de tuer sans injustice. Et il a dit dans la description des croyants et serviteurs du clément, et ceux qui n'invoquent pas quelqu'un d'autre avec Allah, ils ne tuent pas les autres. Il ne quitte pas l'âme, les âmes que l'Allah subhanahu wa ta'ala fait illicites, sauf avec justice. Il ne fornique pas, etc. À la fin, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va leur doubler le châtiment le jour de la résurrection. Et ils seront éternels, avilis dans le châtiment. Et les actes de ceux-là, ce sont des actes où beaucoup d'innocents sont tués, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Pour avoir comme exemple, prenez, l'affaire de l'Algérie n'est pas loin de nous. L'affaire de l'Algérie, combien d'innocents sont morts? Combien? Combien de femmes, combien d'enfants, combien de personnes âgées, etc. وجاء كذلك الإسلام بالرحمة وأن من لا يرحم لا يرحم وأن الراحمين يرحمهم الرحمن وفي هذا المعنى أحاديث عديدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي بل إنها رحمة شملت حتى البهائم والدواب. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح الأدب. وعن قرة قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله. أعاده الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. والحديث رواه البخاري رحمة الله عليه في الأدب المفرد وصحه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح الأدب. وغفر لرجل بسبب رحمته لكلب رآه يأكل الثرى من شدة العطش فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا كذلك رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة لكي يسمون المغاربة طيبيبط حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش بجناح ديالها تتغوط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ردوا ولدها إليها. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. فانظر إلى هذه الرحمة العظيمة التي دعا إليها الإسلام ثم تأمل ما قام به منفذ هذه الجرائم. أطفال يتموا ونساء رمل وأرواح نزهقت وقلوب روعت وأموال نتلفت فأين رحمة الإسلام لو كانوا يعقلون؟ أين رحمة الإسلام في هذا لو كانوا يعقلون؟ فانظر أنت هذا طائر صغير وهذا الطائر معروف لأنه عنده رحمة شديدة على على على على أفراخه. هو دائما عندما يؤخذ له فرخ فيبقى يجري حتى يبكي على الفرخ وكذا وكذا. وانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال من فجع هذه بولدها وهذه رحمة الإسلام. وانظر كيف قال للذي يرحم الذبيحة هذا رحم الذبيحة كيف يرحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله وأعاده مرتين. وأعمال هؤلاء ليس فيها رحمة فإن هؤلاء من رحمة الإسلام. هؤلاء روعوا القلوب هؤلاء قتلوا اليتامى قتلوا النساء كل شيء أفسدوا الحرث والنسل مر إن مروا على شيء أفسدوه. الإسلام تغيبها avec la clémence. Celui qui ne fait pas clémence il ne lui fera pas clémence. La clémence ne sera pas de son sort. Et que ceux qui sont cléments, celui qui est le clément par excellence, qui Allah Azza wa Jalla leur fera clémence. Ceux qui sont cléments, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait clémence. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a le hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayh de Abu Huraira, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que la clémence ne s'enlève que du cœur de quelqu'un qui est mauvais, chaki, malheureux. Voilà. C'est de celui-là du mauvais et du dur et de c'est de celui-là que s'enlève la clémence. Et la clémence de l'islam englobe même les animaux. Même les animaux il a été ordonné d'être clément avec eux. Abu Umama radiallahu ta'ala anhu dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui est clément avec une bête qui l'égorge, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait clémence le jour de la résurrection. Il est rapporté dans le Bukhari, dans l'Adab al-Mufrad, authentifié par Sheikh Nasr rahmatullah alayhi. Qurra radiallahu anhu qal a dit que un homme a dit au prophète d'Allah, quand j'égorge une brebis, je lui fais clémence. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a répété deux fois. Et la brebis, quand tu es clément avec elle, Allah il est clément avec toi. Et la brebis, quand tu es clément avec elle, Allah il est clément avec toi. Les actes de cela, ils sont où de cet enseignement du prophète alayhi wa sallam? Où est la clémence dans leurs actes? Et il a été pardonné à un homme en abreuvant, en donnant à boire à un chien. Il a vu un chien. Et il a vu que le chien, par la soif, léchait la terre. Et que la soif est arrivée à un point où le chien n'arrive même plus à bouger. Il est descendu dans le puits, il a rempli ses chaussures, une des chaussures avec de l'eau. Il l'a remonté, il l'a donné à boire au chien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cet acte-là, il lui a pardonné. Par cet acte-là, il lui a pardonné. Le hadith est chez Bukhari et chez Muslim de Abu Hurayra radiallahu ta'ala. Abdullah ibn Saoud aussi nous raconte, voir la clémence de l'islam où est-ce qu'il est. Nous raconte que ils étaient en voyage avec le prophète alayhi salam. Le prophète est allé faire ses besoins. Et tout d'un coup, il voit un petit oiseau. C'est un petit oiseau fort marron. Et un petit peu sa tête va vers le noir un petit peu. C'est un oiseau qu'on trouve beaucoup dans les pays chauds. On trouve beaucoup au Maroc. Et les Marocains, ils l'appellent Tibbt. Et certains l'appellent, certaines les vieilles personnes l'appellent l'oiseau de la clémence. Ils l'appellent comme ça, Père Rahna. Et cet oiseau-là, et... L'oiseau-là, que des compagnons lui ont pris ses petits. Et l'oiseau, Yahada, il est connu. Comme quoi, il est trop amoureux de son vent, il veut toujours protéger son vent. Il est tout petit, il vient, il cherche, il n'arrête pas de faire du bruit, etc. Pour repousser le mal de ses enfants et pour récupérer ses petits, etc. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il l'a dit, qui lui a fait du mal? Qui lui a pris ses petits à celle-là? Parce qu'il sait qu'il ne peut faire que ce mouvement-là, il le fait pour... se plaindre, et pour se plaindre de ce qu'on lui a fait, qu'on lui a enlevé ses enfants, etc. Alors, sous cela, on a reconnu son geste. Il a dit qui? Rendez-lui ses petits. Rendez-lui ses petits. Ça, c'est la clémence de l'islam. Si on compare cette clémence dans les enseignements de l'islam, et on voit les actes que font ceux-là, et les crimes que commettent ceux-là, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est des crimes. Des enfants qui sont devenus orphelins, des femmes qui sont devenues veufs, des âmes qui ont été tuées pour rien du tout, des innocents, des personnes qui sont habitées maintenant par la preuve, des personnes qui sont terrorisées maintenant, des personnes qui sont complexées maintenant, etc., etc. Combien d'argent a été lapidé, où est la clémence de l'islam? Si ceux-là, ils sont doués de raison. Où est la clémence de l'islam? وفي الإسلام كذلك تحريم لقتل الصبيان والنساء والشيوخ الكبار ففي حديث بريدة ولا تقتلوا وليدا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان وهذا أخرجه البخاري ومسلم هذا في الحرب فما بالك بقتل الغدر والخيانة الأمر أشد هذا في الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في الحرب أن لا يقتل صبي هذا من السنة ما تقتل الصبيان ولا الشيوخ ولا كذا ولا الصغار فما بالك هذا إذا كان في الحرب معلن الحرب بين جيشين فما بالك بهؤلاء الذين يغدرون فيذهب الصبيان ويذهب الشيوخ ويذهب كل شيء يذهب هذه الجرائم لا يفرق بينها بين الصغير والكبير والذكر والأنثى كل يذهب ضحية et dans l'islam il est interdit même en état de guerre interdit de tuer les enfants interdit de tuer les petits enfants et les nourrissons les femmes les personnes âgées etc dans le hadith de Bouraïda Rasoul Salah m'a ordonné, ne tue pas un wali, un enfant. Hein? Et Abdullah ibn Omar, une fois, il a été trouvé dans une bataille, dans une guerre, ça se donne la guerre, hein? Une guerre déclarée, où deux armées se font face, il a été trouvé une femme morte. Et Rasoul Salah a blâmé cet acte. Et Rasoul Salah a blâmé cet acte. Hein? Et Rasoul Salah a blâmé le fait de tuer les femmes et de tuer les enfants. Ça en guerre. Qu'est-ce qu'il en est pour Hadou qui trahissent maintenant? De la trahison. En fait, toi tu montes dans un bus. La personne il monte dans un bus. Hadou, le chauffeur du bus, s'il sait que toi tu vas t'exploser, tu vas exploser, il va te laisser monter. Donc tout est déjà basé sur le mensonge et sur la trahison. Tu montes dans un avion. Si on sait que tu as une bombe, hein, ben, tu ne vas pas monter. Donc tout est basé sur le mensonge et sur la trahison. Et dans ces actes-là qui sont basés sur la trahison, ben, tout le monde part. Les nourrissons, la femme enceinte, les personnes âgées, etc., etc. Omar ibn Khattab, il partait avec une armée énorme. Et sur le chemin, il leur dit, faites attention, quand vous avez des curés ou là, des rabbins qui sont enterrés dans leur soma, dans leur lieu de recueil, laissez-les tranquilles. Hein? Laissez-les. Et où sont ceux-là, les actes qu'ils font? Leurs actes, combien ils sont loin des enseignements de notre prophète, alayhi salam. Combien ils sont loin de la voix de nos plusieurs, et de la voix du compagnon, وفي الإسلام كذلك حفظ للمواثق والعهود وتحريم لقتل المعاهدين والمستأمنين والله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما رواه البخاري وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا وإن كان المقتول كافرا رواه البخاري ومن دخل من الكفار ديار المسلمين بعقد وأمان أو بعهد من ولي الأمر لا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله وأهل الإسلام ذمتهم واحدة وأهل الإسلام ذمتهم واحدة فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهؤلاء المعتدون لم يراعوا دمام المسلمين ولم يحفظوا المواثيق والعهود وقتلوا المعاهدين والمستأمنين ومتى عرف في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم وفي سيرة الصحابة أنهم خرجوا من بلادهم وذهبوا إلى بلاد أخرى يفجرون الناس وذهبوا إلى بلاد كافرة يفجرون فيها الناس ويدمرون وهذا العمل كما يقول غير واحد من أهل فيه غير واحد من أهل العلم فيه تشويه لسمعة الإسلام وفيه تشويه للإسلام وفيه إلقاء بالأمة إلى التهلكة وفيه صد عن سبيل الله دور الإسلام il y a aussi le fait de préserver les engagements et les pactes le fait de tuer aussi ceux qui sont rentrés dans les pays de l'Islam avec un pacte ils sont rentrés parce qu'ils ont des sécurités. Il ne faut pas croire qu'un touriste, quand il rentre au Maroc ou là en Égypte, il vient comme ça. Il y a avant tout ça, il y a plein de pactes qui sont et plein d'engagements signés par les gouverneurs des pays. Et donc le fait de le tuer, ça amène plus loin. Ça amène au fait qu'on se révolte contre son gouverneur. Et on annule l'engagement du gouverneur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'obéir à notre gouverneur. Hein? Et de ne pas se révolter contre le gouverneur. Et le fait de que le gouverneur donne la sécurité à ses Il y a quelques années, j'ai entendu un père dont le fils est tué dans, par la bombe qui a été posée dans le métro Saint-Michel, je crois que c'est 95-96. Et un journaliste a posé la question à ce père, il lui a dit, si tu es en face de poseur de la bombe, je ne me rappelle plus de son nom, qu'est-ce que tu vas lui dire? Écoutez ce qu'il lui dit. Ah ben c'est... Peut-être c'est un laïc, peut-être c'est un chrétien, un fervent, peut-être, peu importe, on ne sait pas qui il est. Mais en tous les cas, il a dit ceci. Il a dit, si je suis en face de lui, la seule chose que je vais lui demander, est-ce que Allah t'a ordonné de tuer mon fils? Point. Est-ce que Allah t'a ordonné de tuer mon fils? Ah ben il a dit que je vais lui demander. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Hein? Certes, Allah n'ordonne pas de tuer les innocents. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمي الناس ليلا حال هجعتهم وسكونهم وراحتهم وتوعد فاعله فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا رواه احمد وصححه الالباني رحمه الله عليه وهؤلاء يتخيلون جنح الليل لتنفيذ جريمتهم النكراء وفعلتهم الشنعاء فانظر حال الشباب الذين ملأوا في الأسابيع الماضية أزقة أوروبا بالإحراق والتدمير متى فعلوا؟ بالليل ها؟ بالليل نهب الممتلكات وكل هذا ماذا فعلوا؟ وغالب الأحيان ما جرى في الدار البيضاء كان بالليل ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرمي بالليل ها؟ فأين هؤلاء من توجيهات المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أين هؤلاء من منهج محمد عليه الصلاة والسلام؟ بعيد. لهذا لا يجب أن نعطي عقولنا لكل من هب ودب. يجب أن نسمع لكل شيء. الحماسات لا تفيد بشيء. الحماس إن لم يكن مقيد بالكتاب والسنة ونهج سلف هذه الأمة فلا تفيد الأمة شيئا، فإنما تدمر هذه الأمة وتدفع الأمة إلى الهلاك وإلى الضياع. الرسول صلى الله عليه وسلم interdit d'attaquer les gens la nuit alors qu'ils sont endormis, ils sont dans leur repos, etc. Il a averti un avertissement contre celui qui fait ce genre d'acte. Abu Hurairah radiallahu ta'ala nous donne ce qui est rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh Nasser rahmatullah dans Sahih al-Jami, dit celui qui nous jette, c'est-à-dire qui nous attaque de nuit, fait pas partie de nous, fait pas partie du enseignement du prophète alayhi sallam, le fait d'attaquer la nuit, hein. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent la nuit. Hein? Rappelle-toi, les événements de Casablanca se sont passés au plein milieu de la nuit. 2h du matin, on va voir 1h du matin. Et plein de ces actes-là, Riyad et par-ci par-là, beaucoup se sont passés durant la nuit. Et les jeunes qui ont perturbé les banlieues en France et un petit peu partout, quand est-ce qu'ils ont, ils ont brûlé les voitures, quand est-ce qu'ils ont brûlé les magasins, etc. La nuit. Et ceux-là, ils sont, par rapport aux enseignements du prophète alayhi salam, et par rapport à la voix de le plus élevé d'Allah, ils sont où? Ils sont très loin. Ils sont à l'opposé. Ils sont à l'opposé des enseignements de notre religion. Ils sont à l'opposé des enseignements de notre prophète alayhi salam. Wa ala kullin, fa inna kulla man arafa al-islam bi ususihi al-azima, wa qawaidihi al-matina, wa tawjihatihi al-hakima, yudriku tamam al-idrak. ويعلم علم اليقين مفارقة هذه الأعمال الإجرامية لهذا الدين وأنها محرمة في الشريعة لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف. Partant de là, tous ceux qui connaissent l'islam et qui connaissent les règles importantes de l'islam et les bases fondamentales de cette religion et les orientations sages de cette religion, il comprend tout de suite et il a la certitude que ces actes criminels n'ont rien à voir avec cette religion et que ces actes criminels sont interdits dans cette législation. Et que ces actes, l'islam ne les approuve pas. وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْسَبَ هَذِي الْأَعْمَالُ الْإِجْرَامِيَةُ إِلَى الدِّينِ أَوْ أَنْ تُلْسَقَ بِالْمُتَدَيِّنِينَ أَوْ أَنْ يُنْتَسَقَ يُنْتَقَصَ لِأَجْلِهَا مِنْ أَشْلِي أَوْ يُنْتَقَصَ لِأَجْلِهَا مِنْ شَأْنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ الَّذِي هُوَ قِوَامُ هَذَا الدِّينِ. فهذه مواقف شاذة تمثل أصحابها ومنفذيها ويبوء بإثمها من قام بها وعان عليها. وربنا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. والإسلام من هذه الأعمال براء. Et il n'est pas permis d'attribuer ces actes criminels à la religion. Ou que ces actes, on les attribue aux musulmans. C'est une injustice d'attribuer ces actes à l'islam ou de les coller aux musulmans. Et il n'est pas permis non plus que, du fait qu'il y a ces actes, qu'on néglige le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Car le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal fait partie des choses qui accomplissent cette religion. Et ces positions, ces actes-là, ce sont des actes marginaux. Et ils représentent ceux qui les font et ceux qui portent cette idéologie-là. Et les péchés, c'est eux. Et c'est eux qui doivent payer. L'islam est innocent de ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette traduction approximative du verset, et nul ne portera le fardeau d'autrui. C'est pas parce qu'ils ont fait que c'est l'islam. C'est pas parce que had, les marginaux, ils ont fait que on attribue ça à tous les musulmans, etc. Loin de là. L'islam est innocent de ses actes. Ça. وهذا كله أتى من سوء فهم هذا الدين أتى من سوء فهم هذا الدين ويقول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلوه فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم وهي بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم et ils agissent les actes de cela émanent d'une mauvaise compréhension de la religion ou du fait qu'ils n'ont pas compris la religion comme il se doit. Ils l'ont pas compris comme l'ont compris nos plusieurs dans Allah alayhi. Dans ce sens-là, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, dans son fascicule, il dit, et fait partie de la mauvaise compréhension de la religion, ce qui est arrivé à Al-Khawarij. Leurs poussins, c'est ceux qui mettent des bombes, ceux qui rendent leurs poussins actuels, c'est ceux qui mettent des bombes, ou qui rendent les musulmans mécréants parce qu'ils sont tombés dans un péché capital, et qui rendent les gouverneurs de l'islam mécréants, etc. Hada, c'est leur poussin. C'est aussi, ils sont tombés dans la même erreur que leurs aïeuls. Une mauvaise compréhension de la religion. Ils ont mis des versets qui concernent les associateurs, ils les ont plaqués sur les musulmans. Comme dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, la même chose. Hada, quand ils les entendent parler, ils se prennent les versets qui concernent la mécréance. Et les mécréants étaient plaqués sur les musulmans pour les rendre mécréants et pour pouvoir les égorger comme des brebis. Bah, Cheikh il dit, Habibullah, fait partie de la mauvaise compréhension ce qui est arrivé aux Khawarij, qui se sont révoltés contre Ali et qui ont combattu Ali. Ils ont compris les textes de la législation, une mauvaise compréhension. Ils ont eu une mauvaise compréhension des textes de la législation. Ils ont eu une compréhension des textes qui est en divergence avec la compréhension du compagnon du prophète alayhi wa sallam. C'est pour ça quand Abdullah ibn Abbas a eu le débat avec eux, il leur a montré la compréhension avenante et la bonne compréhension de l'islam. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre parmi eux qui est revenu. Un grand nombre parmi eux est revenu. Quand ils ont eu le débat avec Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. Et l'histoire de ce débat, il est rapporté par Al-Hakim, avec une chaîne de transmission qui est authentique, sahih, et selon les conditions du muslim. Et il y a, قول ibn Abbas, radiallahu anhuma, أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أن أنزل وليس فيكم منهم أحد. هذه لفتة عظيمة من لفتات عبد الله بن عباس، من الذي تربى في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم لهذا الدين وبفهم كلام الله عز وجل، الفقه في دين الله. أتيتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأنصار، من المهاجرين والأنصار. أنتم مرة من؟ أنتم مرة من مهاجرين ما أنصار؟ ها؟ أنتم مرة من مهاجرين ما أنصار؟ أنا نجيتكم عند مهاجرين ومن عند الأنصار باش نوصل لكم أشي يقولوا، لأنه هما أصلهم الخبر، أي كانوا في واحد لقمة كنتوا فيه أنتم، عليهم عليهم نزل القرآن وهم أعلموا بالوحي منكم. سبحان الله، يثير انتباههم لعلهم يرجعون إلى رشدهم، لأن هذا الفهم الذي عندكم رأسي هو الفهم للدين، الفهم الدين بقي عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه لنا أننا يجب علينا أن نأخذ هذا الدين وفهم هذا الدين بما أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وليس فيكم أحد منهم، ما فيكم تعد منه، فكذلك نحن ما فينا تعد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرجع إلى فهمهم وإلى طريقهم. دونك ابن عباس كنت تيب سي تروفي دوفون الخوارج il leur a dit je suis venu de chez les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام de chez les مهاجرين والأنصار. مهاجرين ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, الأنصار les alliés qui les ont accueillis. Pour vous transmettre ce qu'ils disent. Qui ? Pour vous transmettre ce que disent les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Parce que c'est sur eux que le Coran est descendu. Ils savent ce qu'ils disent. Le Coran est descendu sur eux. Et eux, ils sont plus connaisseurs. Hein, ils ont plus de connaissances au niveau de la révélation que vous. Car c'est sur eux, au milieu d'eux, que le Coran est descendu. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi eux, parmi vous. Aucun compagnon n'est avec vous. C'est Abdullah ibn Abbas, celui que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a pour que Allah subhanahu wa ta'ala le verse dans la religion, lui donne la compréhension de la religion, lui donne l'interprétation de la parole d'Allah azza wa jalla. Et il n'y a aucun doute que le du'a des Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été exaucé. Et le du'a de tous les prophètes alayhi wa sallam est exaucé min Allah azza wa jalla. Regardez comment il attire leur attention, comment il les rappelle à l'ordre. Je vous viens des compagnons du prophète alayhi wa sallam. Il n'y a aucun compagnon avec vous. Ça veut dire, comme dit Cheikh Mohamed Amar rahmatullah alayhi, que la voie vers laquelle vous êtes allé, c'est une compréhension que vous, vous avez pris tout seul. Vous avez pris une indépendance dans la compréhension. Alors les compagnons ne sont pas avec vous. Ça veut dire que vous, vous êtes dans l'égarement. Ce n'est pas la voie sur laquelle il faut être. Que la compréhension, il faut revenir à cela. Il faut revenir aux compagnons du prophète alayhi wa sallam. Car sur eux, a été descendu le Coran. Au milieu d'eux a été descendu le Coran. Ils savent ce qu'ils rapportent. Ils savent ce qu'ils disent. Hein? Là, c'est très important. La même chose pour nous. Ça, il attire l'attention. Il a attiré l'attention d'Al-Khawarij, mais comme sa parole aussi doit attirer notre attention. Que la compréhension, c'est la compréhension de nos plusieurs dans l'âme. Si nous voulons être épargnés, nous voulons être dans la certitude, nous voulons être sur une voie claire, une voie dans laquelle il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de trou à ras, voie claire, plein jour, plein phare, etc. Là, c'est de la voie. C'est la voie des compagnons du prophète, que ce soit dans la compréhension, dans le dogme, dans les pratiques, dans le comportement avec autrui, etc. Ah, si on veut l'agrément d'Allah Azza wa Jal. فقال بعضهم أي بعض الخوارج لا تخاصموا قريشا فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. Un certain parmi ces khawarij a dit ne litigez pas avec Quraysh car ce sont des gens du litige. Ne litigez pas avec parce que ce sont des gens du litige. Il a cité un verset du Coran. قال ابن عباس واتيت قوما لم ارى قوما قط اشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن ايديهم وركبهم تثنى عليهم فمضى من حضر فقال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول. وانظر هذا الوصف الذي يعطي ابن عباس، يقول أتيت قوما لم أرى قطا قوما مجتهدون، حتى وجههم ولاو صفرين قيام الليل، كان صفريات تلحلوش من قيام الليل وداك الشيء ودوك الركاب ديالهم مدبورين وكل شيء هم أجهدوا أنفسهم. وفيهم قال فيهم من خرج لم يحضر خرج. دونك ابن عباس من دون منتنو لا ديسكريبسيون دو سي زوم شي كي لايتي il nous dit je suis allé chez des hommes j'ai pas vu d'autres dans l'effort des hommes comme eux dans l'effort de l'adoration. Il donne une description, il dit leur visage était presque jaune par le fait qu'ils veillent la nuit pour les prières etc. il y a sur le teint, ça déteint un petit peu sur le teint et ça se voit. Et aussi il donne une description au niveau de leurs genoux etc. moi les genoux c'est celui qui prie beaucoup, il y a une plaque qui s'installe au niveau du genou, etc. Il a donné une description. On a montré que c'est des gens qui faisaient beaucoup d'efforts. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a décrits aussi. Il a dit, mais mon compagnon, vous allez négliger votre prière à côté de la leur, et votre lecture du Coran à côté de la leur, et votre jeûne à côté des leurs, etc. Et ce sont des efforts. Mais c'est des efforts qui ne sont pas selon la voie que nous a tracé, que nous a enseigné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et la voie qu'ont transmis les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à un certain nombre qui sont partis, et les autres, et beaucoup sont restés. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنُكَلِّمَنَّ وَلَنَنْظُرَنَّ مَا يَقُولُ قُلْتُ أَخْبِرُونِ مَاذَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَصَهْرِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Et certains parmi eux disent, on va lui parler, on va débattre avec lui, on va voir ce qu'il va dire. Il leur a dit, sallallahu alayhi, annoncez-moi, dites-moi ce que vous reprochez au fils de l'ange du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et au gendre du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils de son oncle, et il est en même temps son gendre. Et qu'est-ce que vous rapprochez au muhajirin et à l'ansar? قالوا ثلاثا قلت ما هن. Ils ont dit trois choses. Il a dit c'est quoi? قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم فقلت هذه واحدة. On dit nous lui reprochons trois choses. Il a dit c'est quoi ces choses que vous reprochez à Ali رضي الله عنه. Et la première, c'est dans la situation d'Allah, il a pris comme juge les hommes. Ils ont ramené le verset, la loi est à Allah, le jugement est à Allah. Certes, le jugement est à Allah. Inna al-hukma illa lillah. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir, les hommes, dans le jugement? Il leur a dit, ça c'est une première. فَقُلْتُ هَذِي وَاحِدَ قَالُوا وَأَمَّا الْأُخْرَى فَإِنَّهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِي وَلَمْ يَغْنَمْ. فَلَئِنْ كَانَ الَّذِينَ قَاتَلَ كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّ سَبْيُهُمْ وَغَنِيمَتُهُمْ وَلَئِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُمْ قُلْتُ هَذِي تِمْتَانَ فَمَا الثَّالِثَةَ. On dit la deuxième. Ça c'est la première, l'aura dit Abdullah ibn Abbas. Donnez la deuxième. Et la deuxième, c'est qu'il a combattu, mais il n'a pas pris le butin. Il n'a pas pris le bétain. Il n'a pas pris... Il n'a pas pris les femmes et la fortune, etc., de ceux qu'il a combattus. Si c'était des mécréants qu'il a combattus, alors il fallait qu'il prenne le butin. Et si c'était des croyants, il n'avait pas le droit de les combattre. Il leur a dit, ça c'est la deuxième. Donnez la troisième. فَمَا الثَّالِثَ قَالُوا إِنَّهُ مَحَى نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ. À la tour. ما حال نفسهم ديريكت كافر أمير الكافرين عاد بالله سبحان الله أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين عاد بالله. قلت عندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم وترضون؟ قالوا نعم. فدي سكوالا تخوزيام يوندي با. Il a effacé son nom du prince des croyants. Donc, s'il n'est pas prince des croyants, c'est le prince des mécréants. À la Paul. Ils n'ont pas de. Regarde, direct. Tu n'es pas le prince des croyants, donc tu es le prince des mécréants. Direct. Mais vous avez autre chose que ça? Il leur a dit. Ah, mais ça suffit. il leur dit, si je vous ramène, hein, si je vous lis du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, des choses qui vont répliquer et rejeter ce que vous dites, est-ce que vous allez accepter? Ils ont dit d'accord. Ça veut dire que, hein, certains parmi eux veulent la vérité. Ils ont dit d'accord. فقلت أي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذوى عدل منكم فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وصلاح ذات بينهم. هذه je vais vous lire du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام, des paroles qui vont, hein, qui vont refuter ce que vous dites. Est-ce que vous allez accepter? Ils ont dit d'accord. Il leur a dit, quand vous dites qu'il a pris comme juge les hommes dans la situation d'Allah, je vais vous dire, hein, de la parole d'Allah Azza wa Jal, la situation où Allah il a mis le jugement dans la main des hommes, dans la main des hommes, hein, dans le prix d'un quart de dirham. C'est rien. Un quart de dirham, c'est rien à cette époque. Pour un lièvre, ou quelque chose de la chasse. Il aura cité le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif du texte, parle à ceux qui sont en pèlerinage, ils sont dans le sacrement, hein, dans la période du sacrement, allez, ne tuez pas, ou vous qui croyez, ne tuez pas, ne sachez pas, hein. Alors que vous étiez en ihram, hein, vous êtes dans le sacrement. Jusqu'à, le verset continue jusqu'à ce que de dire, et si ça arrive, si quelqu'un parmi vous a chassé ou quoi que ce soit, il doit revenir vers les dînes, c'est-à-dire vers un homme de science, pour juger comment il va faire le verdict qu'il doit y avoir, ou la compensation que la personne doit ramener pour pallier au problème qu'il a eu à cette divergence avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il va le ramener vers eux. Qui va juger? Dawa adlin minkum. Didim parmi vous. Didim, ici, les hommes de science. Hein? Et il leur a dit, est-ce que, par Allah, est-ce que le fait de juger pour la chasse d'un lapin, d'un lièvre, ou autre, parmi ce qui se chasse, est-ce que le fait que les hommes jugent dans cette situation-là est mieux, ou le fait de juger dans le sens de toute une communauté et d'essayer de prendre comme juge les hommes et que les hommes jugent pour réconcilier deux parties qui sont en dispute. Allah, il a pris comme jugement, il a donné le jugement à des hommes pour juger sur le quart d'un dirham, sur un lièvre au moment de, si quelqu'un le chasse pendant le pèlerinage. Ali radiallahu ta'ala anhu a revenu vers le jugement pour épargner que le sang de la communauté coule. Et pour qu'il y ait une réconciliation dans la communauté. Et il leur dit, Abdullah ibn Abbas, est-ce que ça c'est mieux le faire pour un lièvre? وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يسير ذلك إلى الرجال. Il leur dit, vous savez, si Allah le voulait, il aurait jugé lui-même. Il n'aurait pas, hein, donné cette situation aux hommes pour la juger. Hein? وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ذلك في المرأة والزوجة لا خافوا باش القضية بتتعارك اش واحد من العائلة الرجل واحد من العائلة ديال المرأة لعلهم يلقوا طريق فاش يتصالحوا لعلهم يصالحوا يوسي. Dans la situation entre un homme et une femme, hein? Allah, dans le sens approximative du verset. Si vous avez peur que la dispute et la séparation arrivent dans un couple, envoyez un juge de sa famille et un juge de la famille de la fille, de la femme. S'ils veulent se réconcilier, c'est-à-dire que le mari et la femme veulent se réconcilier, Allah subhanahu wa ta'ala va accomplir cette réconciliation. Mais à qui il a donné ici? Hein? C'est deux hommes, un de la famille de la femme et un de la famille de l'homme. Donc il a donné le hukm à qui? À deux hommes. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت من هذه. Et il leur dit, Allah a fait que le jugement des hommes est une sunna qui est, dans laquelle il y a la sécurité, hein, qui est sûre. Hein? Et il leur dit, est-ce que je suis sorti de celle-là? Est-ce que je suis sorti de celle-là? Est-ce que vous êtes convaincus? Hein? Ils ont dit d'accord. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire devant ces paroles qui sont très claires, avec les éclaircissements d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum? وَمَّا قَوْلُكُمْ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبِي وَلَمْ يَغْنَمْ أَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةً رضي الله تعالى عنها وارضاها ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم فإن الله يقول فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما سرتم إليها سرتم إلى ضلالة فنظر بعضهم إلى بعض قلت أخرجت من هذه قالوا نعم Et il leur a dit, quand vous dites qu'il a combattu, qu'il n'a pas pris de butin, vous allez prendre comme butin votre mère Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète alayhi salatu wassalam. C'est les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les mères des croyants. Vous allez prendre comme butin votre mère Aïcha, et vous allez faire de Aïcha ce que vous faites avec les autres femmes. Si vous le faites, vous avez mécru. Et c'est votre mère. Si vous le faites, vous avez mécru. Et oui, c'est votre mère. Et si vous dites, ce n'est pas notre mère, vous avez mécru aussi. Et leur cite le verset du Coran, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam sont les mères des croyants. Hein. Il leur dit, vous tournez entre deux égarements. Pas un égarement, deux égarements. Vous êtes entre deux égarements. Quand vous allez à celui-là ou celui-là, vous dites dans l'égarement, n'importe comment. Prenez cette voie-là, vous ne dites pas que ce n'est pas notre mère, ah, vous êtes dans l'égarement. Vous prenez la voie, on la prend, ah, vous êtes dans l'égarement. Il leur a dit au nom de Dieu, est-ce que je vous ai convaincu? Je suis bon pour celle-là, ils ont dit d'accord, pas de problème. Il leur a dit, Amma qawlukum ma hasmahu min amir al-mu'minin, fa'ana atikum biman tardawna wa urikum. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة Et comme vous dites, leur dit, comme vous dites pour la troisième ambiguïté qu'ils avaient, parce que tout ça c'est des ambiguïtés, hein. Tout ça c'est des ambiguïtés. Quand vous dites qu'il a effacé son nom du prince des croyants, je vais vous ramener un exemple de celui que vous agréez. Et je vais vous faire montrer. Vous avez entendu que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire encore une fois, il les rappelle, ah, vous n'étiez pas présent, vous n'étiez pas des compagnons, vous n'avez pas vu le pacte d'Al-Hudaybiyah. Vous avez entendu, hein, que le prophète alayhi salatu wassalam, le jour d'Al-Hudaybiyah, il les rappelle, ah, vous n'étiez pas présent. Donc, vous ne pourrez pas être mieux que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Que durant le jour d'Al-Hudaybiyah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte. Le pacte a été écrit. Et le pacte a été fait entre Suhail ibn Amr ou Abu Sufyan ibn Harb. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Amir al-Mu'minin. Ici, Abdullah ibn Abbas il dit et Rasoulullah a dit Amir al-Mu'minin. C'est le père de Ali radiallahu anhu. Que vous voulez ou pas, c'est le prince des croyants. Et il a dit au prince des croyants, c'est-à-dire à Ali, il désigne Ali ici. Écris, ya Ali. Écris, ya Ali. Hein, les choses sur lesquelles sont le prophète alayhi salam et les deux représentants des associateurs sont tombés d'accord. Et il lui a dit écrit, c'est la situation sur laquelle est tombé Muhammad Rasulullah et les associateurs. Et les associateurs ont dit non, par Allah. Si nous savions que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Si nous savions que tu étais le messager d'Allah, nous ne t'aurions pas combattu. Et Rasulullah alayhi wa sallam a dit, « Oh Allah, tu sais que je suis ton messager. » Écris à Ali. « Oh Ali, écris. » Ça, c'est la situation sur laquelle sont tombés d'accord Muhammad ibn Abdullah. Et les Quraysh, etc. Donc Rasulullah alayhi wa sallam a accepté d'enlever le terme « messager d'Allah hein? ». Et Abdullah ibn Abbas leur dit par Allah que le prophète d'Allah est mieux que Ali radiallahu ta'ala anhu. Et le fait qu'il ait effacé son nom du pacte, ça n'annule pas, ça n'a pas annulé sa prophétie. Ça n'a pas annulé sa prophétie. Ibn Abbas radiallahu anhu dit que à la fin de ce débat, il y a 2000 parmi eux qui sont revenus. Et d'autres ont été combattus. Ils ont été combattus et certains sont morts dans leur égarement. فهنا تعليق للشيخ سحيم حفظه الله يقول أنا أتمنى بهذه الفقرة للشيخ أبي محسن الأبد يقول الشيخ رحمة الله حفظه الله تعالى ففي هذه القصة أن 2000 من الخوارج رجعوا عن باطلهم للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس رضي الله عنه وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم العلم فيه السلامة من الشرور والفتن وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الشيخ عبد المحسن العباد يقول في هذه القصة يوجد 2000 parmi les khawarij sont revenus. Ils sont sortis de cet égarement dans lequel ils étaient, de ce nul, cette voie nulle dans laquelle ils étaient, sont revenus vers la vérité après l'éclaircissement et après l'éclaircissement que l'aura fait. Après que Ibn Abbas, avec les preuves, a dissipé les nuages qu'il y avait dans leur esprit. Après qu'il ait dissipé les ambiguïtés qui se sont installées dans leur cœur. Ça, dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, c'est une preuve qu'il faut revenir vers les hommes de science pour être épargné de tout mal, de toute perturbation et de tout choubarat. Il faut revenir vers les hommes de science. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a donné l'ordre. Et demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Et demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Wa hada ba'd ma 'allaqahu al-shaykh Salih Suhaymi Hamidallah 'ala risalati Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad يقول فهذه حجة عظيمة أقامها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس على الخوارج والقصة مستفيضة ومشهورة وقصة رجوعهم أشهر من أن تذكر ومن خلال هذه المناظرة يتبين لكل ذي لب أن أولئك الخوارج الأول أصدق من خوارج هذا العصر لأن أولئك لا يرون التقية ويرون التقية أي الكذب كفرا فلا يقولون بالكذب الذي يتبعه خوارج هذا العصر باتباعهم نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. Cheikh Suhaimi Hafidhahullah Ta'ala, sur son commentaire de cette risala, il a dit ça c'est une norme, une grande preuve qu'a accompli le savant de la communauté par excellence, l'interprétateur du Coran par excellence, Abdullah ibn Abbas, cette grande épreuve qu'il a accomplie contre le Khawarij. Il dit l'histoire, il est réputé, il est très connu. Il dit, partant de ces débats, il apparaît clair à celui qui est doué de raison, que le khawarij de cette époque sont plus véridiques que le khawarij de notre époque. Ceux de cette époque-là, les premiers khawarij, ils étaient plus véridiques hein, que ceux de les contemporains qui vivent avec nous maintenant. Car ceux-là, ils ne voient pas taqiyya, taqiyya le mensonge. Pour eux, le mensonge est un péché capital. Hein? Et c'est de la mécréance. Donc, ils ne parlent pas avec des mensonges, les anciens. Contrairement aux khawarij du monde moderne maintenant, qui suivent la règle machiavélique, qui est la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Donc, le mensonge, il n'y a pas de problème. Si ça va les amener à leur but, ils mentent. Et là, il y a une grande différence entre eux et les anciens. فَأُولَيْكَ عَلَى ظَلَالِهِمْ كَانُوا صُرَحَاءَ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْءٍ يَخْفُونَ وَإِنَّمَا كَانُوا يُبَيِّنُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُ خَوَارِجَ هَذَا الْعَصْرِ مِنَ الْكَذِبِ وَالدَّجَلِ وَالْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ. Et il dit, ceux d'autrefois, ces khawarij qui ont rencontré Abdullah ibn Abbas, malgré leur égarement, ils étaient clairs. Ils n'avaient rien à cacher. Ils montraient tout ce qu'ils allaient faire, ils le montraient. Ils ne font pas ce que font les khawarij de notre époque, qui utilisent le mensonge, qui utilisent la trahison, etc. etc. فالشاهد يقول الشيخ أن أولئك مع ضلالهم كان رائدهم الحق ولذلك رجع الكثير منهم. أما هؤلاء المعاصرين الذين يتخفون ويتجمعون في الخلوات ويندسون في الدهاليز فهؤلاء يجب أن يحذر منهم ويبتعد عنهم وعن طريقهم لأنهم يفسدون الحرث والنسل. Quant à ce qui est contemporain, il dit ce qu'il faut, le témoignage pour Cheikh Salah Sahimi ici, dit que les autres, avec, malgré qu'ils étaient dans leur égarement, ils cherchaient la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est pour ça une grande partie, un grand nombre parmi eux est revenu vers la vérité. Quant à nos contemporains, ceux qui se cachent dans les trous à rats et dans les cavernes, etc., qui se réunissent dans les secrets, qui font monde dans le secret, etc., ceux-là, il est obligatoire qu'on avertisse contre eux. Il est obligatoire de s'en éloigner et de s'éloigner de leur voie, car ils font le mal, ils détruisent et la culture et la descendance en même temps. Comment ça va le voir, ça ? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن شاء الله لا يو كان بيتكو سيتان غون بيان في من الله عز وجل دافواغ أن ليو أو سو رونكونتري إكسيتيرا سافواغ أوسي كو لي ليو أون بوزوان دو ديفور إي سيرتو ديفور ماتيريال إي أوسي d'être symbolique aussi, le fait de faire dua pour les frères, etc., de les aider hein, dans la pensée, etc. Mais ça a besoin aussi de matériel. Ça ne peut pas marcher. Sans le matériel, il ne peut pas. Il y a, quand tu arrives à la fin du mois, la facture, quand tu as du téléphone et d'internet, etc., quand tu arrives à la fin du mois, l'électricité, à la fin du mois, il faut payer le loyer, etc., il y a plein de choses. Ou là, peut-être vous avez les impôts de propreté, les impôts fonciers, je ne sais plus quoi, là, tout ça. Si nous, on ne m'aime pas, Dawa Salafia a besoin qu'on mette la main dans la poche. Voilà, et j'ai entendu le Cheikh Abdullah Al-Bukhari, il était dans une réunion avec plein de machins avec Cheikh Mohamed bin Hadi, etc. Et il a dit, Dawa Salafia a besoin d'argent. Et il faut que nous, Salafia, il faut que nous sachions mettre la main dans la poche. Hein, pour aider. Sinon, un jour, il ferme. Hein, on a une accumulation de 3 mois de loyer, une accumulation de 3 mois de, par exemple, arrive, une accumulation de 3 mois d'électricité, etc. Après, qu'est-ce qui va se passer? Déjà la marque, l'image de l'islam, ah, là, c'est des musulmans là, et qui se disent sur la bonne voie, ah, ben, 3 mois ils ont pas payé de loyer, 3 mois ils ont pas payé d'électricité. Faut pas que ça arrive jusque-là. Faut que chacun de nous, regardez, subhanallah, il y a que l'awam, c'est des awam, regardez, ils n'hésitent pas. Mais pour construire des mosquées, pour etc., ils n'arrivent pas. C'est des awam. Peu importe. Hein? Peu importe. Certains les rendent innovateurs, mais en réalité, on ne doit pas. Est-ce que on leur a enseigné, etc. C'est ce que les innovateurs, c'est ceux qui les traînent, quoi. Mais au moins, c'est des awam. Awam musulmans. Et regardez, subhanallah, c'est d'une fois qu'il y a besoin de mettre la main dans la poche, ben ils sortent l'argent, ils aident. il mette la main dans la main. Là, il est obligatoire. La da'wa, il a besoin de là. Et en plus, c'est une sadaqa jariya. Ça fait partie des œuvres qui te rapportent. Même garde que si on fait l'hijra, moi, tu as contribué à quelque chose, et cette chose marche derrière toi, bah, avec, comme ils disent, le jackpot, il marche, hein. C'est sûr, hein. C'est sûr, c'est pas quelque chose qui s'arrête, etc. Même si tu as fait l'hijra, etc., moi, ceux qui sont derrière toi, bah, ils auront toujours une pensée pour les premiers, les pionniers qui ont construit le truc et qui ont démarré le truc, bah, ils seront toujours les premiers. Parce que les autres vont dire, voici, ils ont passé la classe, hein, dans les agressés, ils n'étaient pas là, ils se sont pas jetés dans, hein. Hein, ils se sont pas jetés dedans et dans l'aventure, ben on serait pas là à ce moment-là. Donc, là, il faut aider pour que peut-être aussi trouver un endroit plus grand, etc. Ben, peut-être qu'il y a plus, il n'y a pas assez de place, etc. C'est ça. En plus, avec le fait qu'il y a toujours des cours avec le mashaykh, c'est un ni'ma min Allah Azza wa Jalla. Wallahi, c'est un ni'ma min Allah Azza wa Jalla. Quand est-ce qu'on va se rendre compte? Quand on l'aura pas. Quand on l'aura pas, à ce moment-là, on va se rendre compte que c'était un bienfait. On va dire, ah, il y avait ceci, ça. Avec le frère Abondi, vous avez un grand truc. Tu le connais, évidemment, tu connais le truc. Il y avait un grand bien dedans. Il y avait le frère Abbasama, il aura enseigné le Usul Talata, il a enseigné aussi Kitab al-Janaïz, Cheikh Nasser, etc. Le frère Sidati, il faisait du truc. Il y avait le frère Samir, il faisait beaucoup de trucs. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans, ils l'ont fermé. Le maire, il a dit, j'aime pas ce que vous faites. Il a pris parce que c'est un local qui appartient à la mairie. Il l'a pris, et puis voilà quoi. Bah, maintenant, bah, ceux qui au départ disaient, maintenant tout le monde regrette. Tout le monde, ça avait un grand impact. Pas tout simplement dans le quartier de Bondy, mais c'était un petit peu partout. Les frères, ils avaient un endroit où ils se retrouvaient, etc. Mais ça, maintenant, on sait le grand vide que ça fait. Et c'est ce qu'il y a. Il ne faut pas qu'on arrive à ce point-là. Hein. Il faut œuvrer dans le bon sens, il faut aider, etc. Et que ça démarre et peut-être qu'à faire un encore plus grand, etc. Et pourquoi pas garder une mosquée, ben, sois pris toujours derrière Allah, derrière... tu les aimes pas, hein, tu les dis à vous dans leur émission, etc. et de leur ménage. Ouais. Il faut œuvrer aussi dans le sens que tu aies quelque chose où tu vas être indépendant. Ou celui qui monte sur le manbar, il dit, qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasulullah, qu'Allah, Sahaba, ou qu'Allah, tu n'entends plus le journal télévisé de la CNSN, ou la, hein, Khouzaïra, ou la Khississa, tu n'entendras plus. Mais pour ça, il faut, si tu ne veux plus entendre le Jazira répéter pendant le Khutbat al-Jumu'a, il faut mettre la main à la patte et la main dans la poche. Barakallahu fikum, wa ahsallahu fikum, jazakallahu fikum. Thank you.